الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 41 dans l'explication du livre de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, le charh de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre. C'est le cours 41 et on commence un nouveau chapitre, Al-Iman bil Hawd wal Kawthar, c'est-à-dire la foi à la fontaine ou le bassin, et Al-Kawthar c'est la rivière du paradis que Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit ça dans sourate Al-Kawthar, inna atainaka al-Kawthar. Donc on va lire maintenant les paroles de l'imam al-Sabuni et lire le sharh ensuite. Donc il dit, rahimahullah, ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها يعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. Ici, le Cheikh, il explique, l'imam al-Sabuni, il dit que les gens de Ahl al-Sunnah et les Salaf, les gens du Hadith, ils croient en Al-Hawd et en Al-Kawthar. Al-Hawd, le bassin ou la fontaine de laquelle les croyants vont boire au jour de la résurrection. Et Al-Kawthar, c'est la rivière qui abreuve cette fontaine. Et c'est une des rivières du paradis. Et de faire rentrer, Allah Azza wa Jal va faire rentrer un groupe d'entre les gens du Tawhid au paradis sans jugement ni châtiment. Et il y a un autre groupe qui va être jugé, mais d'un jugement facile. Et un autre qui va rentrer au paradis sans que aucun mal ne les touche et sans qu'aucun châtiment ne les atteigne. Et il y a un autre groupe qui va, parmi les pécheurs des gens du Tawhid, ils vont rentrer en enfer, puis ils seront libérés de l'enfer par la suite et sortis de l'enfer. Et ils vont rejoindre leurs frères qui les ont précédés dans le paradis. Et les gens du Hadith et les Salaf, ils savent avec certitude, et ils savent qu'il est vrai et que c'est une certitude. Ils ont la conviction que les pécheurs parmi les gens du Tawhid ne vont pas demeurer éternellement en enfer et qu'ils ne vont pas être abandonnés dans l'enfer. Tandis que les kuffars, eh bien eux, ils seront éternellement en enfer et ils n'en sortiront jamais. Et on ne va pas leur demander des excuses. Ils ne seront pas excusés et ils ne vont pas non plus avoir de répit, et ils vont être humiliés dans l'enfer, et Allah Azza wa Jal ne laissera aucun d'entre les pécheurs des gens de la foi en enfer. Ensuite le Cheikh, il dit, Cheikh Rabi' hafizahullah, il explique, il dit, يتحدث المصنف في هذا الفصل عن الحوض والكوثر فيقول رحمه الله يؤمنون بالحوض والكوثر. الكوثر نهر أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة وعلاقته بالحوض أنه يصب منه ميزابان يغتان في الحوض ويمدانه بالماء. وماء الحوض هذا وصف في الأحاديث الصحيحة أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك للمؤمنين من هذه الأمة. وذكر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن أناسا يزادون عن الشرب من هذا الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أصحابي أو من أمتي، يعني اختلفت الروايات، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا. وهذه الأحاديث الواردة في الذين يطردون عن الحوض يحملها الروافض الخبثاء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قبح الله الروافض وأخزاهم، ويحملون مثل هذه الأحاديث على أفضل خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما هذا في قوم ارتدوا وهؤلاء ليسوا بصحابة. ولهذا قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الصحابة ما أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل نشروا دينه وبلغوا رسالته ووجهه على وجهها رضي الله عنهم. ويحمل الحديث أيضا على أهل البدع الذين على رأسهم الروافض، لأنهم أحدثوا في دين الله عز وجل، وأحدثوا أشياء كثيرة جدا، منها تعطيل صفات الله عز وجل، ومنها الوقوع في الشرك من دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، وغير ذلك من العبادات التي صرفوا كثيرا منها لغير الله. Donc le cheikh il explique, et on va traduire jusqu'ici avant de continuer. Cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit que l'auteur, l'imam As-Sabouni, il parle ici de Al-Kawthar, et il parle aussi de Al-Hawd. Et donc il dit à propos des gens du hadith et des salaf dans leur aqidah, qu'ils croient en Al-Hawd et en Al-Kawthar. Et Al-Kawthar, c'est une rivière que Allah a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et le lien qui existe entre Al-Kawthar et Al-Hawd, c'est que en réalité c'est Al-Kawthar qui abreuve le breuvage qui est dans Al-Hawd. Et il y a deux gouttières, si on veut. Hein? Deux gouttières, c'est-à-dire, quand je dis gouttières, je parle de comment on pourrait dire. C'est ça, c'est comme des choses qui font couler de l'eau. Lorsqu'il y a de la pluie, par exemple, sur le toit, on voit ça, il y en a sur la Kaaba également. Lorsqu'il y a de la pluie, eh bien, il y a comme un mizab. Le mizab, c'est le petit bec hein, qui est sur le coin du bâtiment et qui fait couler l'eau qui est sur le toit pour que ça tombe en bas. Et donc, il y a deux mizabs qui font tomber justement l'eau de la rivière de Al-Kawthar jusque dans Al-Hawd et qui abreuve justement ce bassin ou cette fontaine d'eau. Hein, ou d'un breuvage que les croyants vont pouvoir boire au jour de la résurrection. Et l'eau qui a été mentionnée dans, à propos de, justement de cette fontaine ou de ce bassin au jour de la résurrection, il est décrit dans les hadiths authentiques comme étant plus blanc que le lait et comme étant plus doux que le miel. Et son odeur est meilleure que l'odeur du misc. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc, les croyants de cette umma vont pouvoir boire de ce breuvage. Et une fois qu'ils en auront bu, ils n'auront plus jamais soif. Hein. Et comme c'est mentionné également que dans d'autres hadiths, qu'il y a des gens qui vont être repoussés du bassin, hein, ou de la fontaine. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas en boire. Hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire à ce moment-là, ils sont de mes compagnons. Hein? En voulant dire ils sont des musulmans, ils font partie de la Ummah. Et il y a les deux narrations qui existent. La narration qui dit ce sont mes compagnons et une autre narration qui dit ils font partie de ma Ummah. Et c'est les deux qui sont rapportées, ces deux narrations qui sont rapportées par Al-Bukhari et Muslim, une selon Abu Saïd Al-Khudri et l'autre selon Anas radiyallahu anhuma. Et donc à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ils font partie de ma Umma, hein, ils sont des compagnons, ils sont mes compagnons, et yani Allah azza wa jal, il va répondre ou bien on va lui répondre إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé comme, comme innovation ou comme chose nouvelle dans la religion après toi. Alors, à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire سُحْقًا سُحْقًا, c'est-à-dire, éloignez-vous, éloignez-vous. Hein? Allah al-musta'an. Et donc, il y a ces hadiths-là qui mentionnent que certains individus seront repoussés du bassin au jour de la résurrection. Et il y a des gens de bid'a parmi les égarés, et les gens de shirk et de kufr, en particulier les rawafid, la secte des rawafidah. Ils essaient d'interpréter le hadith en question pour critiquer ou attaquer les sahaba. Hein? Donc, ils essaient d'appliquer le hadith comme si ça concernait les sahaba, comme si c'est les sahaba qui vont être repoussés du bassin en question. Hein? Et le cheikh, il dit que Allah maudisse les rawafid, hein, et qu'il les humilie d'avoir interprété ce hadith de cette façon. Il dit, puisque ce genre de hadith, hein, comme par exemple le fait que certaines personnes vont être repoussées du bassin au jour de la résurrection, eh bien ça ne concerne pas les meilleures des créatures après les prophètes, c'est-à-dire les sahaba, mais plutôt ça concerne des gens qui ont apostasié de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement les sahaba, ils les ont combattus ceux-là. Et de même que yani, le cheikh il dit, donc ce ne sont pas les sahaba qui sont concernés dans ce hadith-là. Hein? Mais c'est des gens qui ont apostasié. Yani, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et les sahaba n'ont rien inventé après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne peut pas être eux. Puisque les sahaba n'ont fait que propager la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et transmettre le message que Allah azza wa jal lui a confié de la meilleure façon. Hein? Et donc, il dit que on peut également prendre ce hadith-là pour l'appliquer aux gens de bid'a de façon générale. Et à la tête de tous les groupes de bid'a, il y a la secte des Rafidah, puisque yani, ce sont parmi les sectes les plus égarées de l'islam, et ils ont inventé dans la religion d'Allah Azza wa Jal ce qui n'en fait pas partie. Hein. Et ils ont inventé et ajouter dans la religion beaucoup de bid'a différentes. Et parmi ces bid'a, la négation des attributs d'Allah Azza wa Jal, et le fait de tomber dans le shirk et d'invoquer autre que Allah Azza wa Jal, puisqu'ils invoquent ceux qu'ils appellent les imams de Ahlul Bayt, les descendants de Ali radiallahu anhu, et ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils les appellent au secours. Hein? Donc ils appellent au secours autre que Allah et ils font des sacrifices pour eux à leur tombe. Donc ça c'est du shirk, hein? Le fait d'égorger des animaux pour autre que Allah. Et ils font également des vœux pieux pour autre que Allah. Donc toutes ces adorations-là, ils les détournent pour les offrir à des créatures en dehors d'Allah. Donc ils adorent des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et par conséquent, ce sont des mouchriquines. Donc les rafidah n'ont rien à voir avec l'islam. Et par conséquent, c'est eux qui sont les mieux concernés par rapport à ce hadith qui mentionne que des gens seront repoussés du bassin et de la fontaine au jour de la résurrection et qu'ils ne pourront pas yani, en boire. Et le cheikh il dit ensuite « وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْغُلَاتِ فِي الْبِدَعِ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ وَيَتَصَّرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِوَحْدَةِ الْأَدْيَانِ وَحُرِّيَةِ الْأَدْيَانِ يعني وَمَشَاكَلَ ذَلِكَ فَهَؤُلَاء أَحْدَثُوا أَحْدَاثًا كثيرة جدا في دين الله عز وجل فتناولهم الحديث كما قرره بعض العلماء وعموم الحديث يدل على هذا وهناك أناس ينكرون الحوض كما يقول الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله وهم الخوارج وبعض المعتزلة فحري بهؤلاء أن يحرموا وأن يطردوا من الشرب من هذا الحوض الذي كانوا لا يؤمنون به لأن أحاديث الحوض متواترة وقد بلغ عدد رواتها حوالي 80 ومنها في الصحيحين حوالي 20 حديثا عن 20 صحابيا وبقيتها في باقي دواوين السنة فيتجرأ أهل الضلال فينكرون الحوض وبعضهم جهلا منهم لأنهم لا عناية لهم بالسنة وبعضهم يعني كبرا وعنادا يعتقد عقيدة فاسدة فإذا وصلته الأدلة الصحيحة على فساد عقيدته والدالة على نقيض ما يعتقد يعني يعاند ويكابر كما هو شأن أهل البدع في كثير من القضايا أما أهل السنة فيؤمنون بالحوض ويؤمنون بالشفاعة ويؤمنون بهذه الأمور التي لا يعترف بها كثير من أهل الضلال والعياذ بالله كالمعتزلة والخوارج وغيرهم من أهل الضلال يؤمنون بالكوثر وفي الكوثر قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يعني أغفى الرسول صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فسأله لماذا ضحكت يا رسول الله قال إن الله أنزل علي سورة عظيمة ثم قرأها عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير يعني ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفسر ابن عباس الكوثر بالخير الكثير والخير الكثير يدخل فيه النهر العظيم الذي يمد الحوض يعني نعم ويغط منه ويغط منه مذابان يمدان الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ أبدا. On va expliquer cette partie maintenant. Le Cheikh explique qu'il y a beaucoup d'extrémistes parmi les gens de l'égarement et les gens de Bid'a, hein, qui croient par exemple en des hommes qui ont des pouvoirs. Ils croient que c'est des hommes qui ont des pouvoirs surnaturels et qu'ils pensent qu'ils connaissent le Raïb, hein, l'invisible, et qu'ils ont un contrôle sur l'univers, et ils les appellent des Awliya. Et donc, ils tombent dans l'exagération et dans l'extrémisme, hein, vis-à-vis de ces hommes-là. Et ils font du shirk dans la croyance avec ces gens-là. Et il y en a parmi les groupes d'égarement et les groupes de bid'ah, certains qui croient, par exemple, yani, ils croient que, en fait, ils croient en une idéologie qui a été inventé par les mouchriquines et les kuffars et les gens de bid'ah, l'idée que tout ce qui existe dans la création, c'est une seule existence. Et la seule existence qui existe, ils disent que c'est Allah. C'est-à-dire que pour eux, tout est Allah. Et Allah est tout. Hein? Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de multiplicité dans l'existence. Il n'y a qu'une unicité. Et c'est ce qu'ils appellent wahdatul wujud, donc l'unicité de l'existence. Donc ça veut dire que pour eux, on n'a pas le droit en fait de distinguer entre créateur et créature, parce que pour eux, créateur et créature, c'est une seule et même chose. D'accord? Il n'y a pas un créateur puis une créature de dans l'univers, il y a seulement le créateur qui existe, et tout ce qui existe, c'est le créateur. Hein? Donc tout est Allah. Et Allah est tout. Donc ça, c'est clair que c'est du shirk, et c'est pire que qu'est-ce que les hindous ont comme croyance par rapport à ce qu'ils appellent le panthéisme. Hein? C'est encore plus égaré que ça. Donc il y a un exemple à ce sujet-là. Et il y a aussi d'autres qui croient en qu'est-ce qu'ils appellent Wahdatul Adyan, hein, et Hurriyatul Adyan. Donc Wahdatul Adyan, ça veut dire l'unicité des religions, c'est-à-dire de croire que toutes les religions c'est équivalent et qu'elles sont toutes pareilles, elles sont toutes bonnes, hein, et que toutes les religions doivent s'unir et former une seule, hein. Et donc en réalité, ça veut dire qu'ils veulent réunir entre le shirk, hein, et le kofr et le tawhid, et faire de ça un genre de pot pourri où tout est mélangé et toutes les religions seraient pareilles et équivalentes pour eux. Donc ça, c'est clair que c'est du kofr, mais il y a des gens qui se disent musulmans et qui pensent que cette idéologie-là, elle est valable. Comme parmi les soufis, on trouve des gens qui ont cette idéologie-là. Également, Hurriyatul Adyan, la liberté de religion, c'est-à-dire la liberté absolue, de dire que tout le monde a le droit de croire en n'importe quoi, y compris les musulmans, c'est-à-dire qu'ils peuvent croire en ce qui est contraire à l'islam, hein, que les musulmans ont le droit de croire en ce qui contredit le Coran et ce qui contredit la Sunna et ce qui est contraire à la vérité, ils peuvent croire au faux, et que croire au faux et croire à la vérité, les deux c'est la même chose, hein, et que quelqu'un peut changer de religion comme il veut, comme quand il veut, croire en une religion le matin et changer le soir, et yani, changer de religion comme on change de chemise, comme on dit. Donc ça, c'est l'idée derrière cette philosophie-là. Donc ça, c'est certaines des idées qui sont propagées par des gens qui suivent différentes sortes de sectes et de bid'ah. Et il dit, le cheikh, que ces gens-là, ils ont inventé des choses vraiment dangereuses pour la religion d'Allah et ils sont donc compris par ceux qui sont mentionnés dans le hadith comme étant repoussés du Hawd au jour de la résurrection, comme les ulama l'ont, hein, comme certains d'entre les ulama l'ont clarifié par rapport au sens général de ce hadith qui indique cela. Ensuite, le cheikh il dit qu'il y a également donc ces gens-là qui vont être repoussés, hein, ou plutôt non. Il dit qu'il y a des gens qui renient, hein, la croyance en Al-Hawd. C'est-à-dire qu'il y a des sectes et des groupes d'égarements qui refusent de croire que le Hawd existe. Comme c'est mentionné par Ibn Hajar al-Asqalani dans son Sharh Fath al-Bari, le Sharh de Sahih al-Bukhari, et il mentionne en particulier à ce sujet-là les sectes des Khawarij et des Mu'tazila. Et donc ces gens-là, yani, ils méritent bien sûr d'être repoussés de ce bassin-là et de boire de cette fontaine, puisque de toute façon ils n'y croyaient pas. Donc ils méritent bien d'entrer dans la catégorie de ceux qui en sont repoussés au jour de la résurrection. Il dit parce que les hadiths à ce sujet sont tellement nombreux que c'est pas possible de les rejeter, puisqu'ils sont mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire rapporté par un très grand nombre de personnes. Et le nombre des narrateurs qui ont rapporté le hadith à ce sujet-là sont environ de 80 narrateurs. Et parmi les rapporteurs des hadiths dans Al-Bukhari et Muslim, ils sont environ 20 hadiths de 20 parmi les sahaba. Et les autres, hein, le reste des narrateurs, c'est qu'est-ce qui est rapporté dans les autres livres de la sunna. Et malgré ça, ces gens d'égarement se permettent de renier la foi en Al-Hawd. Et certains, ils le font bien entendu par ignorance parfois, et parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour la sunna. Et d'autres parmi eux, c'est à cause de l'orgueil et de l'obstinement à vouloir rejeter la vérité. Et ils pensent, hein, ils croient en des croyances corrompues. Donc quand ils arrivent devant les hadiths authentiques qui viennent en contradiction avec leurs fausses croyances et qu'ils constatent que leur croyance elle est contredite par les hadiths authentiques, alors à ce moment-là, ils se mettent à rejeter la vérité par orgueil, hein, Allah musta'an, et c'est l'attitude typique des gens de bid'ah dans plusieurs différentes questions de la croyance. Ensuite, le cheikh explique que les gens d'Ahl Sunnah, ils croient donc en cette fontaine ou ce bassin duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection, et ils croient également en l'intercession des croyants, et ils croient donc en toutes ces choses-là. Il dit le cheikh, يُؤْمِنُونَ بِهَذِي الْأُمُورِ. Donc il croit en ces choses que les gens de l'égarement refusent d'accepter, hein, entre autres les Mu'tazila et les Khawarij et d'autres également parmi les gens de l'égarement, وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Et il croit en Al-Kawthar. Al-Kawthar, yani, on l'a dit, c'était la rivière que Allah a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et Al-Kawthar, Allah Azza wa Jal y a fait allusion dans le Coran. Il l'a mentionné dans Surat Al-Kawthar, dans lequel il dit Inna a'tainaka al-Kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. C'est-à-dire, certes, nous t'avons donné Al-Kawthar. Alors fais la salat pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Certes, celui qui te déteste n'aura pas de progéniture, il sera coupé. Et Arfa, Arfa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Arfa atan, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi, il a somnolé un peu. Puis il s'est relevé la tête en souriant. Alors les sahaba lui ont posé la, la question, pourquoi est-ce que tu ris, ô messager d'Allah, hein? Qu'est-ce qui te fait sourire? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon Seigneur vient de me révéler une sourate très grande sourate, et il l'a récité ensuite, hein, il a récité sourate Al-Kawthar. Et puis il dit, savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Ils ont dit, Allah sait mieux ainsi que son messager. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est une rivière que Allah m'a donnée, que mon Seigneur m'a donnée dans le paradis, et il y a dedans de grands biens, et il sera, c'est-à-dire l'eau de cette rivière sera présentée à ma umma au jour de la résurrection, et les contenants ou les verres pour boire de ce breuvage, de son eau, seront yani aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et certains d'entre eux, c'est-à-dire certains de ma umma, seront repoussés yani du bassin pour boire, yani, c'est-à-dire on va pas leur permettre de s'approcher. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire, ô mon Seigneur, ils sont de ma umma, hein, c'est de ma umma. En voulant dire, ils font partie de ma umma. Et on va lui répondre, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et en ce qui concerne Al-Kawthar, il a été également interprété par Ibn Abbas radiyallahu anhu comme étant un grand bien. Donc Al-Kawthar, ça veut dire le grand bien, et dans ce grand bien on peut inclure également cette immense rivière qui va abreuver, hein, ou bien qui va alimenter plutôt le bassin ou la fontaine de Al-Hawd au jour de la résurrection pour les croyants. Et qui est alimenté à partir de deux misab, hein, deux becs qui font descendre l'eau de cette rivière jusque dans la fontaine ou dans le bassin duquel les croyants vont pouvoir boire, et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. ويختلف أهل السنة في ترتيب الحوض والشفاعة والصراط أيها أول. فالبخاري كما يقول الحافظ يشير في ترتيبه أن الحوض بعد الصراط وبعد الحساب وبعد هذه الأشياء. ويخالفه الكثير بأن الحوض هو أول، يعني قبل الصراط وقبل الحساب وقبل الميزان وقبل هذه الأشياء، لأن الناس يخرجون عطاشا يبعثهم الله عز وجل وهم عطاش، كما جاء في الحديث الصحيح، يدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار، وكأنها ألا تردون نعم، فيشار إليهم أن لا ترد ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم تدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح عبد ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا أو عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار وأما المؤمنون فيسقيهم الله عز وجل من الحوض وتذكر بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا وحوض نبينا أعظمها ويمتاز عليها بأنه يمد من الكوثر وهذا الحوض وردت فيه أحاديث كثيرة منها ما فيه التصريح بأن طوله كما بين مكة وبصرة أو مكة وهجر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه مسافة شهر كل زاوية من زواياه مسافة شهر ووصفه كما سبق ووصفه كما سبق لكم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك والأحاديث فيه أكثر من التواتر كما قلنا تبلغ 80 حديثا ومنها الكثير في الصحيحين. Donc ici le cheikh il explique, il dit que les gens de la sunna sont parfois en divergence par rapport à l'ordre des événements qui se passent au jour de la résurrection et certains qui disent que l'ordre c'est Al-Hawd et ensuite Al-Shafa'a et ensuite Al-Sirat hein? Et le cheikh il dit que Al-Bukhari comme le dit Al-Hafiz ibn Hajar indique l'ordre hein, comme étant Al-Hawd en premier ensuite As-Sirat en deuxième et Al-Hisab le jugement en troisième et après cela donc il dit il y a beaucoup de ulama qui sont en divergence à ce sujet là avec lui, c'est-à-dire avec l'imam Al-Bukhari en disant que Al-Hawd c'est la première chose après la résurrection. Il dit yani, que Al-Hawd c'est en premier, avant la traversée du pont, et avant le jugement, et avant la balance sur laquelle on pèse les œuvres. Il dit parce que les gens vont sortir de leur tombe, ils vont être assoiffés. Et certains, yani, Allah Azza wa Jal va les ressusciter, et ils seront hein, assoiffés. Comme c'est mentionné dans un hadith authentique, il y a un hadith justement qui mentionne ce fait-là, c'est-à-dire que lorsque les gens sortent de la tombe, on appelle les juifs en premier et on va leur dire, qu'est-ce que vous adoriez? Et ils vont dire, nous adorions Uzair, le fils d'Allah. Alors, on leur dira, vous avez menti. Hein? Vous avez menti. Yani, Allah Azza wa Jal n'a pris aucune compagne et il n'a pas d'enfant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils disent, nous avons soif au notre Seigneur. Alors, donne-nous à boire. Alors, on va leur indiquer. Yani, ala taridoun. Est-ce que vous n'allez pas avancer hein? Alors ils vont avancer vers le feu et ça va être comme un mirage devant eux et qui va les écraser les uns sur les autres et ils vont tous tomber dans le feu. Puis ensuite, on va appeler les chrétiens et on va leur demander « Qu'est-ce que vous adoriez ?» Et ils vont dire « Nous adorions le Messie, fils d'Allah. » Et Allah Azza wa Jal, hein, ou bien plutôt on va leur répondre, vous avez menti. Allah n'a pas pris de compagne, il n'a pas d'enfant. qu'est-ce que vous voulez? Alors ils vont dire, nous voulons, nous avons soif, ô notre Seigneur, alors abreuve-nous. Alors on va leur indiquer d'avancer, hein, et ils vont tous avancer vers l'enfer comme si c'était un mirage, hein. Et une fois arrivés là-bas, ils s'écrasent tous les uns sur les autres et ils tombent en enfer. Donc ça, c'est une partie du hadith rapporté par qui est rapporté dans Sahih selon Abu Sa'id al-Khudri à propos du hadith de l'intercession. Donc le Cheikh explique donc que les croyants, ils vont être abreuvés par Allah Azza wa Jal dans le Hawd, le bassin. Et il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent cela. Et même certaines narrations qui mentionnent que chaque prophète aura son propre bassin pour sa nation. Hein, comme c'est rapporté dans At-Tirmidhi, dans son Sunan, et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, et At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir, et également, yani, il est rapporté ce hadith selon Saïd ibn Bashir, selon Qatada ibn al-Hassan al-Basri, selon Samura ibn Jundub. Et le hadith dit « Inna li kulli nabiyin hawdan ». Donc chaque prophète aura un bassin. Et le hadith en question, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans le Silsilat al-Hadith al-Sahiha. Naam. Chaque prophète aura un bassin ou bien une fontaine, comme on dit. Naam. Donc, le Cheikh, il dit donc que notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, son bassin sera, ou sa fontaine sera le plus grand. Et il sera abreuvé ou alimenté à partir de Al-Kawthar. Et ce bassin, il y a de nombreux hadiths à son sujet qui ont été rapportés et qui indiquent de façon claire et explicite la longueur et la largeur, et dans certaines narrations c'est mentionné entre c'est-à-dire la longueur et la largeur, c'est la distance qu'il y a entre la Mecque et Basra, hein, ou la Mecque et Hajar. Et dans un hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, radiyallahu anhuma, que la distance est la distance d'un mois. Hein. Et chaque côté de ce bassin a la distance d'un mois. Et yani, quand on dit la distance d'un mois, on ne sait pas si c'est un mois de marche, un mois de course, un mois de ado d'animal, de cheval ou quoi. Yani, c'est une distance approximative pour nous, mais c'est-à-dire que c'est pour nous faire comprendre à quel point il est immense. Hein? Il est immense, ce bassin. Et il dit « Wa wasafahu kama sabaqa likul kama sabaqa lakum annahu ashaddu bayadan min al-laban ». Donc comme on l'a décrit déjà, il est plus blanc que le lait, il est plus doux que le miel, c'est-à-dire le breuvage, l'eau qu'il y a dedans, plus blanc que le lait, plus doux que le miel, et meilleur, son odeur est meilleure que le misc. Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là qui atteignent même le nombre de 80 hadiths. Parmi ces hadiths-là, beaucoup d'entre eux qui sont dans Al-Bukhari et Muslim. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.